Deuxième partie. Le lendemain soir, la vieille se présenta au cinéma d'un air timide. Elle se faisait toute petite pour passer inaperçue. Elle s'approcha du guichet en tournant la tête pour ne pas être reconnue de l'employé. Mais l'homme, chargé de garder la porte, courut vers elle. « Ah non ! Vous venez encore faire du scandale ! Pour vous, pas d'entrée !»« Laissez-moi passer, mon bon monsieur ! Je jure que je serai sage !» Elle parlait avec une douceur enfantine et l'employé finit par rire, aussi bien que la distributrice des billets. La vieille les salua avec gratitude en voyant qu'il la laissait passer. Puis, elle salua aussi un policier immobile dans le couloir d'entrée, comme s'il était un vieil ami. Il lui semblait que ce n'était pas celui de la veille, mais elle saluait tout de même pour le cas où ce serait lui. Dans la salle, elle avançait humble et affable. Tous les spectateurs qu'elle rencontra sur son passage, elle les salua très poliment, sans obtenir de réponse. Quelques-uns se bornèrent à la regarder avec surprise. Leurs yeux semblaient dire « Pauvre folle !» Elle prit place en se ramassant sur elle-même dans la crainte de gêner ses voisins. D'abord, elle tourna plusieurs fois la tête pour voir si les employés l'observaient et pour recevoir leur approbation. Mais le spectacle lui fit vite oublier la réalité. L'Allemand poursuivait déjà l'Alsacienne et les aventures compliquées du roman cinématographique allaient se déroulant sur l'écran. Puis apparaissaient les tranchées et le soldat qui écrivait la lettre et qui, d'abord vu de dos, tournait ensuite la tête vers le public et montrait son visage. « Albert ! Albert !» La vieille dut faire un gros effort pour se contenir. Le cri lui montait à la gorge avec des sanglots. Mais elle tremblait, craignant de faire un esclandre comme la veille, car alors on l'expulserait pour toujours et elle ne pourrait plus revoir son soldat. La peur la rendit circonspecte et sa violente émotion se répandit en larmes. Pour se dégonfler, elle se parlait tout bas, d'une voix intérieure, pendant que ses yeux en pleurs continuaient à contempler religieusement tout ce qui se passait sur l'écran. « Albert, mon petit, je suis ta grand-mère. Me reconnais-tu ? Je viendrai te voir tous les soirs. Tous les soirs !» À la représentation suivante, elle pleura moins. À la sortie, elle parla familièrement à l'homme qui se tenait à la porte, comme si elle était aussi de la maison. « Avez-vous vu comme mon petit-fils travaille bien ?» Et l'employé, qui avait déjà entendu maintes fois son histoire, sans y prêter grande attention, porta un doigt à son front en regardant la femme qui était au guichet. Tous deux eurent un sourire d'intelligence qui signifiait « Elle est folle, perdue, folle !» La vieille put à peine dormir la nuit. Sa conscience n'était pas tranquille. Elle était une égoïste qui gardait uniquement pour elle le bonheur de sa découverte. Albert n'avait pas que sa grand-mère dans le monde des vivants. Le matin suivant, elle vendit à la hâte ses verdures, sans souci du gain. Puis elle remisa sa baladeuse bien avant les autres. Le métro la déposa dans la banlieue. Elle se vit au milieu d'un paysage grisâtre, dénudé, aux usines fumantes, aux maisons de briques, tristes comme des prisons. Les habitations ouvrières. Elle parla à la portière d'un de ses logements. Son arrière-petit-fils était à l'école et la veuve d'Albert travaillait à l'usine. La vieille s'y rendit et le concierge, un mutilé, lui barra le chemin. Entrée interdite. Aucun curieux ne pouvait s'introduire dans les ateliers où l'on tournait les obus. Elle s'obstina à rester à la porte et put voir de loin plusieurs femmes qui passaient et repassaient par les cours dans les évolutions de leur travail, toutes en culottes de cycliste. Elle rit presque de surprise en voyant une espèce de galopin, petit et efflanqué, en complet salopette bleue, laisser la petite charrette pleine de copeaux d'acier qu'il allait poussant devant lui pour la saluer de loin. C'était la veuve d'Albert. À midi sonnant, quand les ouvrières sortirent pour déjeuner, la vieille put la voir de près. Elle avait une pâleur de cendre et ses yeux, plus grands que jamais, étaient entourés de cernes bleuâtres et douloureux. Elle se mit à pleurer en apprenant que son mari apparaissait toutes les nuits dans un cinéma, lui qui était mort depuis un an. Comment c'est-il possible? Son étonnement était si grand qu'il interrompait ses crises de larmes. Elle faisait de vains efforts pour comprendre la vieille qui répétait les explications qu'elle avait entendues sans les comprendre mieux que l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'Albert travaille au cinéma. Viens avec l'enfant, je vous attends ce soir. Elle fit son invitation d'un ton d'autorité. À 8 heures, il la trouverait à la porte du cinéma, située presque à l'autre extrémité de Paris. Ensuite, ils se séparèrent, car les pauvres n'ont pas de temps à perdre. Le lendemain, ils furent ponctuels. La veuve avait une modeste robe noire acquise dans un bazar. L'enfant était avec elle, vêtu de ses meilleurs effets et peigné comme un petit page. Voyant l'ouvrière se diriger vers le guichet, la vieille s'y opposa. « Eh bien quoi? C'est moi qui paye ici. Je suis bien vue, je suis presque de la maison. » Et pour montrer sa confiance, elle plaisanta avec la distributrice de billets, puis elle serra la main de l'homme qui gardait la porte, son ancien ami, en lui donnant un cigare bon marché qu'elle venait d'acheter. À l'intérieur, elle salua l'ouvreuse comme si elle était une ancienne connaissance. « C'est la femme et l'enfant de mon petit-fils, celui qui travaille au cinéma, » dit-elle, tout en lui donnant quelques sous. Et elle s'assit, avec orgueil, à la place désignée par l'employé, la jugeant meilleure que les autres. Mais le plaisir qu'elle éprouvait de montrer l'immense influence dont elle jouissait dans ce lieu public dura peu. Lorsqu'apparut Albert, elle craignit que la pauvre veuve tout en noir qui était auprès d'elle ne se mit elle aussi à crier. Mais celle-là fut silencieuse dans sa douleur. Elle contemplait la vision de ses pupilles dilatées et inquiètes, rappelant celle des morphinomanes. Elle serrait les lèvres avec force et des deux côtés de sa bouche coulaient deux filets de larmes. Le petit page en deuil regardait avec toute l'inconscience de cet âge où l'on entend parler de la mort, sans savoir ce que c'est. Ce soldat, il le connaissait, c'était son père. Il l'avait vu venir à la maison, ainsi habillé. Pourquoi ne rentrait-il pas? « Papa! Papa !» murmura-t-il en tendant ses petites mains vers la vision. La mère et la grand-mère, sans cesser de pleurer, le poussèrent doucement dans l'obscurité pour le faire rester tranquille. À la sortie, avant de se séparer d'eux, près de la porte du cinéma, la vieille prit son ton d'autorité. « Demain, ici, à la même heure, c'est moi qui paye. » La veuve parut surprise d'une telle invitation. J'habite de l'autre côté de Paris. Un vrai voyage. Je dois me lever tôt pour le travail et puis m'occuper du petit avant de l'envoyer à l'école. Impossible. Et puis pourquoi revenir? Albert ne ressuscitera pas et ce spectacle me tue. La vieille l'a suivi des yeux pendant qu'elle s'éloignait avec l'enfant, vacillant de sommeil. Elle avait toujours pensé que cette petite femme manquait de cœur. Hélas, la seule qui se souvienne vraiment d'Albert, c'est moi. Le lendemain, elle resta triste et morose toute la journée. À la tombée de la nuit, elle se trouva dans la buvette avec le père Crinquebille. Bien que le verdurier philosophe fût peu loquace et passa parmi les personnes et les choses sans se préoccuper d'elles, il sembla s'intéresser aux faits et gestes de sa vieille camarade. Il l'avait observée en silence. Depuis quelques jours, c'était une autre femme. Elle faisait des dépenses, elle invitait tout le monde. Elle arrivait tard au marché, achetant cher la pire marchandise pour vendre meilleur marché que tous les autres. « Tu vas te ruiner !» « Tu es en train de manger ton capital. » Malgré ses conseils, il continua de vider les verres que lui offrit la vieille. À 8 heures, elle se montra impatiente. « Adieu, Crinquebille, je te laisse, si tu ne veux pas m'accompagner. Mon petit-fils, tu sais bien qu'il travaille au cinéma. »« Mais ton petit-fils a été tué. » »« C'est vrai qu'ils l'ont tué. Pourtant, il travaille au cinéma. » Le philosophe se contenta de hausser les épaules. Il avait appris de celui qui était son maître et son protecteur qu'en ce monde, il ne faut s'étonner de rien. Les actes les plus ordinaires et les plus communs paraissent même incohérents si on les examine de près. Il est donc inutile de chercher de la logique dans les événements exceptionnels de notre existence. Fin de la deuxième partie.